Salut les oreilles et leurs propriétaires, reprenez vos places à l'entrée de l'attraction Summertime. Si vous n'avez pas fait le premier voyage, ça n'a rien de dramatique, mais je vous conseille d'aller voir la partie 1 pour connaître un peu l'histoire de Summertime et le long et inspirant chemin que cette chanson a créé. Pour ce deuxième périple, on va s'intéresser comme prévu à l'évolution plus populaire du morceau. L'efficacité de la mélodie et les paroles assez simples sont gages de succès, mais c'est la rythmique qui va être déterminante. Je pense que Summertime est un exemple marquant pour expliquer le sens de Rhythm and Blues, comment un morceau à tempo lent et sans percussion majeure est devenu plus frontal, plus agressif, plus dansant, plus urbain. Avec le temps, on ne contemple plus Summertime comme un extrait d'un opéra, mais comme un blues qui se vit. L'aventure du jour vous emmène donc sur la route du rythme, du R&B des années 40 qui va inspirer le rock'n'roll, la soul, la pop-rock anglaise, la funk, le hip-hop et la musique électronique. It's a small world, dans la même, mais pas pareil. D'ailleurs, avant de se lancer à nouveau sur la frise chronologique, je vous fais un petit rappel de l'original. Elle est tirée de l'opéra Porgy and Bess, composée par George Gershwin, avec des paroles de Dubois Hayward, et cette première version enregistrée remonte à juin 1935, interprétée par Abby Mitchell. Attachez vos écouteurs, on va bientôt partir, mais j'ai quelques petites précisions à vous donner d'abord. Contrairement à l'épisode précédent, les changements vont être souvent brutaux, parce qu'il n'est plus trop question d'improvisation, de jouer librement avec la construction de Summertime, mais d'en offrir une autre approche globale. Dramatique, mélancolique, nostalgique, énergique, psychédélique, apaisant, violent, concret ou totalement abstrait, si vous aimez les adjectifs, vous allez être servi. L'autre point majeur que je préfère soulever dès maintenant, c'est que les interprètes sont de moins en moins noirs et de plus en plus blancs. Ça peut paraître anodin, mais l'opéra original était interprété par des personnages afro-américains, et toutes les représentations officielles sont censées suivre cette idée. Ça ne veut pas dire que Porgy and Bess n'a pas eu sa dose de controverse par la vision blanche très stéréotypée de la communauté noire. Mais quel que soit le niveau de réalisme de Summertime à l'époque, l'authenticité du blues va progressivement se raréfier. Parce qu'avec le succès du Rhythm and Blues, c'est aussi le début de l'essor d'une industrie musicale qui va façonner des stars, et puiser dans le répertoire connu, c'est le meilleur moyen de mettre en avant les particularités des artistes vendus. Donc certaines versions sont évidemment des prétextes et non de vraies démarches artistiques. D'autres au contraire vont carrément changer la donne et créer des sous-genres de Summertime. On va pouvoir démarrer, je vous souhaite une belle balade et on se retrouve à l'arrivée. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby. Don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you'll spread your wings and take to the sky. But till that morning, Daddy and Mommy standing by. Summertime and the living is easy. These are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, and please don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. You're gonna spread your wings. Fly. Jumping and the cotton is high. Your mama rich, oh yeah, and your daddy's good looking. So hush, baby, not to cry. Your daddy's rich and your mama. mama so damn good looking. Gonna spread your wings and reach for the sky. Until that morning, there is nothing can hold you. When Daddy and Mama stand time when the living is easy, fish are jumping when the cotton is high. Your daddy's so rich and your mama's so good looking. So hush, little baby, don't you cry. Pas trop fatigué ? Donc vous avez pu entendre dans cette sélection une tripotée de styles, parfois dans leur époque, d'autres fois beaucoup plus tard, en mode rétro. Du rockabilly, du surf rock, du trip-hop, de la new soul, tout est lié et en même temps les approches sont parfois très différentes, ce qui fait qu'on est quelquefois à deux doigts de tomber sur un ovni, une version sans équivalent, singulière et sans progéniture. Notre dernier chapitre de Summertime sera d'ailleurs consacré à ces inclassables, qui auraient pu avoir leur place dans un autre épisode mais que j'ai jugé trop unique. On se retrouve donc avant la fin du mois, en attendant n'hésitez pas à faire la promo de la croisière Summertime autour de vous et à nous demander des infos sur les extraits utilisés. Merci pour votre attention et à très très très bientôt.